Avant de mourir 3 jours plus tard, Julie aura encore la force d'écrire à Saint-Preux pour lui révéler qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer. « Je me suis longtemps fait illusion, avoue-t-elle. Vous m'avez cru guérie, et j'ai cru l'être. » Le roman se termine sur une lettre de Claire à Saint-Preux. Elle lui avoue que même si elle a eu de l'amour pour lui, elle ne peut commettre l'indignité et la lâcheté de l'épouser, d'autant qu'elle se sent elle-même sur le point de mourir.